Ils étaient eux aussi là, tout près de l'obscurité un peu mouvante, un effort pâle vers la pâleur presque effacée des cieux, avec leurs pensées et leurs voix invisibles. Ces croyants demandent la mort comme on demande la subsistance. En ce jour suprême, un mot est enfin changé à la prière quotidienne. La mort au lieu de pain. Lorsqu'ils savent qu'ils vont enfin mourir, ils remercient. Je voudrais que cette action de grâce s'épanouit tout d'abord, comme l'aube. Ils montrent à Dieu leurs mains et leurs bouches obscures, leurs cœurs ténébreux, leurs regards qui ne font pas de lumière, et ils le supplient de guérir leur incurable obscurité. Un raisonnement élémentaire transparaît au milieu de leur imploration. Ils veulent sauter de l'ombre parce qu'elle intercepte la lumière divine. À travers leur humanité, ils n'ont perçu de celle-ci que des reflets ou de fugitifs éclairs. Et ils veulent la totalité de ce Dieu, dont ils n'ont vu que les pâles étincelles au firmament. « Donne-nous, crie-t-il, donne-nous l'aumône du rayon dont le reflet parfois nous couvre comme un voile, et qui de l'infini tombe jusqu'aux étoiles. » Ils lèvent leurs bras blêmes comme deux pauvres rayons lourds et trop petits. Et moi je me demandais si le groupe que j'avais sous les yeux n'était pas déjà dans la nuit de la mort, si ce n'était pas leur âme commune qui, s'exhalant dans un dernier soupir, venait frapper mon oreille. La poésie les traduit, les désigne, elle retire leur vie par fragments du silence et de l'inconnu. Elle s'adapte exactement à leur profond secret. La femme a de nouveau penché le cou, déjà plus magnifiquement accablé. Elle l'écoute, il est plus important qu'elle. Il est plus beau qu'elle n'est belle. Ils font un retour sur eux-mêmes. Au seuil du bonheur éternel, ils revoient l'œuvre vitale qu'ils ont accomplie dans toute sa longueur. Que de deuil, que d'angoisse, que d'épouvante. Ils disaient tout ce qui fut contre eux. N'oublie rien, ne perde rien, ne gaspille rien de l'affreux passé. Quel poème que celui de toute la misère qui revient en un seul coup. Les nécessités brutales d'abord. L'enfant naît. Son premier cri est une plainte. L'ignorance est semblable au savoir. Puis la maladie, la douleur, toutes ces lamentations dont nous repaissons le silence indifférent de la nature. Le travail, contre lequel il faut lutter du matin au soir, pour pouvoir, lorsqu'on n'a presque plus de force, tendre la main vers un tas d'or croulant comme un tas de ruines, tout jusqu'aux pauvres ordures, jusqu'au salissement, à l'encrassement de la poussière, qui nous guette et contre laquelle il faut se purifier à tout instant, comme si la terre essayait de nous avoir sans répit, jusqu'à l'ensevelissement final. Et la fatigue qui nous avilit, chasse des figures le sourire, et qui rend le soir le foyer presque déserté, avec ses fantômes préoccupés de repos. Aimer, écoute, accepte. À ce moment, elle a mis la main sur son cœur et a dit « Pauvre Jean !» Puis elle s'agite faiblement. Elle trouve qu'on va trop loin. Elle ne veut pas tant de noir. Soit qu'elle est lasse, soit que, réalisée par une autre voix, le tableau lui paraît exagéré. Et par une admirable union du rêve et de la réalité, la femme du poème proteste aussi en ce moment. La femme lève les yeux et dit timidement pour protester. « L'enfant qui vint nous secourir, l'enfant que l'on fait vivre et qu'on laisse mourir, répond l'homme. » Il ne veut pas qu'on dissimule la souffrance, et il trouve dans le passé plus de malheur encore qu'on ne croyait. Il y a une sorte de perfection dans sa recherche. Son jugement sur la vie est beau comme le jugement dernier. L'enfant par qui la plaie humaine saigne encore, créer, recommencer un cœur, faire renaître un malheur, enfanter, sacrifier un être, engendrer en hurlant une plainte de plus. La douleur d'enfanter, elle ne finit plus, elle s'immensifie en angoisse, en veille. Et c'est toute la passion de maternité, le sacrifice, l'héroïsme au chevet de la petite âme vacillante, osant à peine vivre, l'air heureux lorsqu'on est angoissé jusqu'aux larmes, et les sourires qui coulent, et l'incertitude toujours. Rappelle-toi la fin du travail, et le soir, au couchant, la douceur si triste de s'asseoir. Oh, que de fois le soir, les yeux sur la couvée qui tremblent, incessamment, péniblement sauvés, mes mains frôlaient en trébuchant des fronts d'aimés. Puis je laissais tomber mes deux bras désarmés, et j'étais là, pleurant, vaincu par la faiblesse des miens. Aimée ne put s'empêcher de faire un geste. Elle allait, me sembla-t-il, lui dire qu'il était cruel. Ils grandissent et puis... Il dit l'œil ardent, « Cain !» Elle dit, la voix sanglantante, « Abel !» Elle souffre au souvenir des deux enfants qui se sont haïs et frappés. Ils l'avaient frappée, elle, puisqu'ils étaient dans son cœur. C'était comme s'ils étaient encore dans sa chair. Puis un autre souvenir l'appelle tout bas. Elle pense au tout petit qui est mort. Le petit, le meilleur, il n'est plus. Et moi, moi qui sans cesse le regarde. Elle distend ses bras dans l'impossible. Elle geint, déchirée par le baiser vide. il n'est plus, et moi qui le caresse. Et l'homme gronde, la mort, méchanceté des adorés, bonté sinistre qui nous quitte. Et elle a ce cri suprême, oh la stérilité d'être mère. J'étais emporté par la voix du poète, qui récitait en balançant légèrement les épaules, possédé par l'harmonie. J'étais emporté jusqu'au rêve réalisé. Puis ils se revoient abandonnés par leurs enfants, dès que ceux-ci ont grandi et ont aimé. Vivant ou mort, l'enfant nous laisse, à cause qu'il est doux de haïr la vieillesse, quand on est jeune, et qu'on est fort et qu'on est clair. Que le printemps terrible ensevelit l'hiver, qu'un baiser n'est profond que sur des lèvres neuves. Notre immense caresse, ô mère, devient veuve. Tu quitteras ton père et ta mère, et fuiras l'embrassement stérile et pesant de leurs bras. Je pensais à la scène que j'avais vue, moi, l'autre soir, la même où cet homme parlait, à ce drame dans ma vie. Oui, celui avait été ainsi. La vieille femme avait entouré le jeune couple obscurément libéré, d'un inutile embrassement, d'un embrassement perdu. Il avait raison, ce vague réciteur, ce vague chanteur, ce penseur. Aucun recours contre l'infatigable malheur de la vie, pas même le sommeil. Dormir, la nuit, on oubliait. Non, on rêvait. Le repos se souvient, s'emplit de spectres vrais. Notre sommeil ne dort jamais. Il agonise. Parfois, il nous caresse avec ses formes grises, le rêve que l'on rêve. Il nous fait mal toujours, triste, il blesse nos nuits, doux, il blesse nos jours. Pourtant, nous étions tous les deux, murmure l'épouse, et il regarde l'amour. À la fin du labeur, ils allaient ensemble mêler le long de la nuit le repos et la tendresse. Mais la nuit, nous étions un instant l'un à l'autre. Quand nous cherchions parmi tous les chemins le nôtre et nous hâtions, obscurs vers le logis mal clos, comme vers une épave au sein de tous les flots, quand l'ombre se mêlait au fond de la vallée, à ta robe usée, humble et comme flagellée, mes yeux sous les rayons qui s'éteignaient en cœur, voyaient le battement presque nu de ton cœur. Tout seul, que disions-nous ? Nous nous disions « je t'aime ». Mais ce mot, hélas, n'a pas de sens, puisque chacun est seul, et que deux voix, quelles qu'elles soient, se murmurent d'incompréhensibles secrets. Et c'est l'anathème contre la solitude, à laquelle ils sont condamnés. Ô séparation des cœurs, terre entassée sur chacun d'eux, silence affreux de la pensée. Amant, amant, nous nous cherchions à l'infini, nous étions là, nous n'avions rien qui nous unit, et proches et tremblants sous les astres qui trônent, les doigts mêlés, nous n'étions rien que deux aumônes. Ah, dit Aimé, tu avoues cela dans ton poème? Tu ne devrais pas, c'est trop vrai. Puis venait le moment du baiser et de l'étreinte. Mais les corps ne se pénètrent pas plus que les mains, malgré les hardiesses de la pensée. Et ce n'était pas de l'union, mais deux délires l'un sur l'autre. Je sais, dit Aimé, en frissonnant d'une double honte dans toute sa personne. Et aux heures de désespoir, la douleur ne faisait qu'agrandir leurs deux isolements. Enfouis dans nos corps comme dans nos linceuls, nos yeux mêlaient leurs pleurs. Nos cœurs pleuraient tout seuls. Je te voyais, fragile, infinie et profonde. Tu pleurais. J'ai senti que chacun est un monde. Ainsi la misère et le mal apparaissent tout entiers dans une grande conscience qui ne pardonne rien. L'imprécation est finie. D'ailleurs, la vie est finie. C'est la dernière fois qu'ils reviennent à ces choses. La femme regarde en avant avec la curiosité qu'elle eut en entrant dans la vie. Ève finit comme elle a commencé. Toute son âme subtile et vive de femme monte vers le secret, comme une sorte de baiser aux lèvres de sa vie. Elle voudrait être heureuse déjà. Aimé se mêle davantage aux paroles de son compagnon. L'imprécation, sœur de la sienne, lui a donné confiance. Mais il me semble qu'elle se soit amoindrie encore devant nous. Tout à l'heure, elle dominait tout. Maintenant, elle écoute, elle attend, elle est saisie. Nous aussi, n'est-ce pas ? A-t-elle dit à un moment. C'est émouvant, cette sorte d'œuvre double de vie et d'art. Il est lyrique, elle est dramatique. Ils sont à la fois créateurs, acteurs, victimes. On ne sait plus ce qu'ils sont. Il n'y a qu'une grande vérité, qui est la même pour les paroles et pour la destinée. Où commence le drame qu'ils jouent, et celui qui joue avec eux ? Une immense piété les dévore d'espérance. Je crois en Dieu, je ne crois plus en moi. Mais la curiosité inlassable se glisse. Comment sera le paradis ? Comment ne souffrira-t-on plus ? Le paradis, dit-il, nous l'avons entrevu pauvrement sur la terre. Les espoirs, les émotions, les belles effusions et les récompenses intérieures de l'orgueil, tout cela a été un peu de paradis. C'était comme de brefs moments de Dieu. Mais cela était vite caché par notre ignominie, notre noirceur humaine. Maintenant, notre triste voix va tomber, et ce sera Dieu sans fin. La femme reprend, Que serais-je, moi ? Et Médie, elle a raison, car enfin, que faut-il lui répondre ? Il lui démontre que le bonheur parfait est une entité, dont la nature nous échappe. On ne peut pas toucher l'éternité, encore moins l'expérimenter. Il faut laisser faire Dieu, et nous endormir comme des enfants dans le soir de nos soirs. Pourtant, fait aimer, mais en proie à une divination qui peu à peu l'accapare, la femme a posé de nouveau l'insoluble question vivante : que serons-nous ? Et alors, de nouveau, il lui répond : parce qu'ils ne seront pas. Malgré qu'il voudrait dire quelque chose de positif, la vérité s'empare de lui et le tourne vers la négation. Nous ne serons plus nos haillons, nos chairs, nos sanglots. Et il s'enfonce dans son ombre pour la nier. Que serons-nous ? Crie-t-elle avec un tremblement. Plus d'ombre, plus de séparation, plus d'effroi, plus de doute. Plus de passé, plus d'avenir, plus de désir. Le désir est pauvre puisqu'il n'a pas. Plus d'espoir. Plus d'espoir ? L'espoir est malheureux puisqu'il espère. Plus de prière. La prière est dénuée, elle aussi, puisque c'est un cri qui monte et qui nous abandonne. Plus de sourire. Le sourire n'est-il pas toujours à moitié triste ? On ne sourit qu'à sa mélancolie, à son inquiétude, à sa solitude d'avant, à sa douleur qui fuit. Le sourire ne dure pas, car s'il durait, il ne serait pas. Il a pour caractère d'être mourant. Mais qu'est-ce que je serais, moi, moi, ce cri, moi, qui prend peu à peu toute la place et vibre et réclame ? Et encore une fois, il lui jette des paroles fantômes, puisqu'on lui demande ce qui sera et qu'il offre en réponse ce qui ne sera plus. Il étale à nouveau les mots subis, comme un épouvantail. Il les tire de l'enfouissement du mystère. Il avoue ce qu'il n'a jamais avoué. Il y a ceci, cela, que je t'ai toujours caché. Je te disais cela, mais je mentais. Il aventerait presque dans le besoin de trouver quoi répondre à l'interrogation trop simple. Il détaille les désirs. Et chacun de ces lambeaux de phrases évoque une géhenne. Il a tout désiré, le bien d'autrui, le destin d'autrui, la gloire, foule immortelle. Il fait même entrevoir tout un drame tué en lui, convulsé, immobilisé, tout un grand poème impossible. Enfer plus effrayant et plus atroce encore, notre fille qui ressemblait à ton aurore. Il n'a pas succombé à ses désirs, il ne les a que plus parfaitement souffert. Il a porté en lui, avec des airs de calme, la tentation éternelle. Clouée en moi, mais tout entière et toute grande, ô tapis dans mon cœur, torturant et caché, l'inavouable mal de n'avoir pas péché. Il a par-dessus tout désiré le passé, et il revient sur cette souffrance, si simple et si sûre, le passé qui est mort. Il aurait voulu pénétrer dans le passé, comme dans l'avenir, comme dans le cœur aimé. Mais le souvenir est implacable, il est rien, il est jamais plus, et celui qui revoit souffre et a le remords d'autrefois, comme un malfaiteur. Et il était aussi, et ils étaient tous deux, malgré leur piété, qui s'est enfoncée en eux avec leur vieillesse, obsédés par l'idée de la mort. L'idée de la mort était partout. Car ce qui est épouvantable, ce n'est pas la mort. C'est l'idée de la mort qui ruine toute l'activité en projetant une ombre souterraine. L'idée de la mort qui vit. Oh, comme j'ai souffert, comme j'ai dû souffrir. Voilà ce qui fut et qui enfin ne sera plus. Voilà toutes les espèces de ténèbres qui nous ont défendus contre la durée du bonheur. Tout se réduit à de l'envahissement et à du noir dont la vie veut s'évader. Nous sommes ceux, crie-t-il, comme au commencement, nous sommes ceux qui n'ont jamais eu de lumière. Que l'ombre universelle a repris chaque soir. Ceux dont le sang vivant, le sang profond est noir. Ceux dont le rêve obscur salit tout ce qu'il touche. Et nos yeux sont aussi ténébreux que nos bouches. Vise et noir, nos yeux sont aveugles, nos yeux sont éteints. Il leur faut le grand secours des cieux. Souviens-toi quand, groupés sous la calme tempête du soir, nous conservions un rayon sur nos têtes, et nous voulions longtemps que la nuit ne fût pas. Ton faible bras, posé fortement sur mon bras, palpitait. Écrasant notre bande envolée, la nuit nous reprenait la lumière au volet. La nuit s'épandait d'eux comme d'une blessure à leur flanc. Ils faisaient vraiment de l'ombre. Et borné, ébloui par son raisonnement d'enfant, il crie « La nuit s'engloutira, tu seras la lumière !» Mais la piteuse promesse immense n'a aucune influence sur l'effroi de la femme. Et elle continue à demander ce qu'elle sera, elle, car la lumière, ce n'est rien, rien, rien. Elle cherche en vain à lutter contre ce mot. Il lui reproche d'être en contradiction avec elle-même, en réclamant à la fois le bonheur terrestre et le bonheur céleste. Elle lui répond du fond d'elle-même que ce qui est contradictoire, ce n'est pas elle, ce sont les choses qu'elle veut. Alors il saisit encore une autre branche de salut. Et avec une avidité désespérée, il explique, il hurle, on ne peut pas savoir. Comment le pourrait-on ? Quelle folie, quel sacrilège de le tenter! Il s'agit d'un ordre de choses tellement différent de celui que nous concevons. Le bonheur divin n'a pas la même forme que le bonheur humain. Le divin bonheur est hors de nous. » Elle s'est dressée, frémissante. « Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Non, mon bonheur n'est pas en dehors de moi-même, puisque c'est mon bonheur. L'univers est l'univers de Dieu. Mais mon bonheur, c'est moi qui en suis Dieu. Ce que je veux, ajoute-t-elle avec une simplicité définitive, c'est d'être heureuse, moi tel que je suis et tel que je souffre. » Aimée avait tressailli. Elle pensait sans doute à ce qu'elle avait dit tout à l'heure. Une réponse qui me regarde personnellement, telle que je suis ici. Et elle ressemblait plus à cette femme qu'à elle-même. « Moi, tel que je souffre, » répéta l'homme. Importante parole, elle nous mène distinctement devant cette grande loi. Le bonheur n'est pas un objet, ni une expression de calcul. Il naît de la misère, et il y tient tout entier. Et on ne peut pas plus dissocier la joie et la souffrance que la lumière et l'ombre. En les séparant, on les tue toutes les deux. « Moi, tel que je souffre. » Comment être heureux dans un calme parfait et une clarté pure, abstrait comme une formule? Nous sommes faits de trop de besoins et d'un cœur trop déréglé. Si on nous enlevait tout ce qui nous fait mal, que resterait-il? Et le bonheur qui viendrait alors ne serait pas pour nous, il serait pour un autre. Le cri confus qui dit, en croyant raisonner, « Nous avons eu un reflet de bonheur, effacé par de l'ombre. L'ombre disparaissant, nous aurons tout le bonheur lui-même », est un mensonge de fou. Et c'est aussi un mensonge de fou que de dire « Nous aurons un bonheur pur que nous ne pouvons pas concevoir. » Et la femme dit « Mon Dieu, je ne veux pas du ciel. » « Et quoi ?» dit Aimé en tremblant. « Il faudrait qu'on puisse être misérable au paradis. »« Le paradis, c'est la vie, » dit-il. Aimé se tut et resta là, la tête levée, comprenant enfin qu'avec toutes ses paroles, il lui répondait simplement à elle et qu'il lui avait refait dans l'âme une pensée plus haute et plus juste. « L'homme est maintenant à l'unisson, » reprend-il. D'ailleurs, il sentait depuis quelques instants à quelle erreur se butait sa colère. Et le voilà qui souligne, perfectionne la dramatique vérité entreaperçue dans l'éclair féminin. « Et Dieu, Dieu, » dit-elle, « Dieu ne peut rien faire pour les hommes. Il n'y a rien à faire, il n'est pas l'impossible, il n'est que Dieu. » Et alors que font-ils ces deux croyants inconsolables malgré Dieu? Ils reconstruisent confusément, souvenir par souvenir, leur vie, et ils l'adorent dans sa misère, où il y avait tout. À côté de chacun de ces éclairs de joie ou d'orgueil, que tout à l'heure il disait être des parcelles de Dieu, il voit l'ombre qui le permettait, la faiblesse qui le préparait, le risque et le doute qui l'entouraient comme des soins, le tremblement qui lui donnait la vie. L'aspect de leur destin, ainsi réellement revenant à leurs yeux, se fond dans celui de leur amour, d'autant plus ébloui qu'il fut plus tourmenté. Si lui n'avait pas été pauvre, il n'aurait pas éprouvé toute la charité dont elle le combla, lorsqu'il s'approcha de sa lumière, qui lui était nécessaire, et de sa bouche de femme au silence appelant. Il semble qu'ils revivent, qu'ils imitent cela. On dirait qu'ils se connaissent mal, et que peu à peu ils se reconnaissent, s'évaluent et s'enlacent. L'ombre, disent-ils, nous la cherchions. Ils se voient l'un l'autre cherchant, pendant le jour, le crépuscule au cœur des chambres, au sein des bois. Ils contemplaient, ils comprenaient la nature, ils la comprenaient trop, et lui donnaient ce qui n'était pas à elle. Lorsque leur émotion mortelle accordait un sourire suprême au soir, et tout autour de nous le jour mourait, hélas. Je ne savais plus au nom de qui parlait devant moi cette créature humaine, et si dans sa bouche, il était question d'elle-même ou des autres. Serrée entre ses murs, jetée au fond de ses deux chambres comme une loque humide, l'homme paraissait réaliser une de ses grandes œuvres, où la musique se mêle aux paroles. Nous avions peur, nous avions froid, tu étais environné d'ombre. Notre soir, ta robe, ta pudeur. Mais quelle horreur quand j'allais vers toi. Ah, lorsque j'attirais dans mes bras de conquête, sous les voiles du soir, ta précieuse tête, lorsque j'entrevoyais dans tes gestes briser ta bouche et son silence infini de baiser, ta chair qui dans la nuit est blanche comme un ange, lorsque je m'approchais de ta figure comme du miroir de mon sourire, lorsque debout près de toi, te soutenant et soutenu par toi, je plongeais mes yeux fermés dans le soleil de tes cheveux pour m'éblouir. Quand je fouillais ton ombre avec mes mains pensantes. Nous avions besoin l'un de l'autre, nous souffrions l'un par l'autre. Oh, douter, ignorer, espérer, pleurer. C'est ainsi que cela fut toujours, malgré les défaillances, les oublis, les faiblesses et les pauvretés, la grande pauvreté de notre amour régna. Ah, dit Aimé, il ne faut pas maudire, il ne faut pas regretter, il faut aimer son cœur. Il continuait sans s'arrêter à elle. Et les mourants disent, et quand la vie, à la longue, sans nous rapprocher plus qu'il n'est possible, hélas, sans faire de deux êtres un seul être, nous façonna cependant assez semblables, pour que la tendresse nous rendît par miracle sensibles l'un à l'autre. Nous avons gagné ensemble un recueillement et un culte, une religion qui tremble, pour notre misère même. Nous la trouvions partout avec la mort. Nous adorions la faiblesse humaine dans le vent, qu'on sent frémir et qui s'approche, et qui va toujours, dans le couchant qui se dépouille, dans l'été qu'on voit souffrir et décliner, dans l'automne dont la beauté contient des pressentiments, et dont les feuilles mortes font mourir tristement le bruit des pas, dans le ciel étoilé dont la grandeur paraît de la folie. Et même il était difficile de croire que la pierre eût un cœur de pierre, et que l'avenir ne fût pas innocent et exposé à l'erreur. Et nous résistions, et nous nous étendions d'espoir. Souviens-toi, quand tombait sur les grandes descentes, le soir où nous sentions la vieillesse venir, nous joignions deux à deux nos mains, insuffisantes, et tournions malgré tous nos yeux vers l'avenir. L'avenir, sur ta joue infinie, une ride souriait. Tout était magnifique et tremblant. La sage vérité tombait du ciel splendide, et son dernier reflet posait sur ton front blanc. Avare, las, ouvrant à peine les paupières, plein du pauvre passé qui ne peut pas guérir, nous espérions. Le soir amollissait les pierres. Tes yeux étaient dorés, je te sentais mourir. La vie s'exalte avec une sorte de perfection dans la vie finissante. C'est beau, chante-t-il plus profond encore, c'est beau d'arriver à la fin de ces jours. C'est ainsi que nous avons vécu le paradis. Et ils viennent à se dire timidement, gauchement, je t'aime. Au seuil de l'azur perpétuel, ils cherchent à réaliser l'humble commencement de la vie expiatoire. Et ils vont jusqu'à assurer que Dieu souffre de les voir mourir. Et ils le plaignent. Puis ceux qui vont ne plus souffrir se disent un adieu affreux, sur lequel finit le drame. Ils ont raison d'y aimer, en un cri, où elle était toute. Voilà la vérité, dit le poète, elle n'efface pas la mort. Elle ne diminue pas l'espace, ne retarde pas le temps. Mais elle fait de tout cela, et de l'idée que nous en avons, les sombres éléments essentiels de nous-mêmes. Le bonheur a besoin du malheur. La joie se fait en partie avec de la tristesse. C'est grâce à notre crucifixion sur le temps et l'espace que notre cœur au milieu palpite. Il ne faut pas rêver une sorte d'absurde abstraction. Il faut garder le lien qui nous retient au sang et à la terre. Tel que nous sommes, souviens-toi, nous sommes un grand mélange. Nous sommes plus que nous le croyons. Qui sait ce que nous sommes ? Sur la figure féminine que l'épouvante de la mort avait rigidement contractée, un sourire s'était remis à vivre. Elle demanda avec une grandeur enfantine. « Que ne me disais-tu cela tout de suite dès que je t'ai interrogé ? Tu ne pouvais me comprendre alors. Tu avais engagé ton rêve de détresse dans une voie sans issue. Il fallait donner à la vérité un autre cours pour te la présenter à nouveau. Quelque chose encore que je vois en eux, les fait vibrer, la beauté, la bonté d'avoir parlé. Oui, cela les a nimbés pendant les quelques instants où ils ne sont pas encore tombés du rêve. C'est bon, soupira-t-elle, d'avoir là toutes ces paroles, qui disent exactement ce qui est contre nous. S'exprimer, s'éveiller, ce qui est vivant, dit-il, c'est la seule chose qui donne vraiment l'impression de la justice. Après cette grande parole, ils se turent. Ils étaient, pendant une fraction de temps, aussi rapprochés qu'on peut l'être ici-bas, à cause de l'auguste assentiment à la vérité haute, à la vérité ardue, car il est difficile de comprendre que le bonheur soit à la fois heureux et malheureux. Elle le croyait pourtant, elle la rebelle, elle l'incrédule, à qui il avait donné un vrai cœur à toucher.